Alors, dans le dernier épisode, on a parlé d'Edward McDowell, l'une des grandes figures du mouvement indianiste. C'est ainsi qu'on appelle les compositeurs s'inspirant de mélodies amérindiennes. On va aujourd'hui discuter d'un autre compositeur indianiste, Arthur Farwell, dont l'approche est assez différente de celle de McDowell. Farwell est de 10 ans le cadet de McDowell et est formé comme ce dernier en Allemagne et en France. Les deux hommes se connaissent et se respectent, bien que Farwell n'ait pas pu suivre les cours de McDowell à Columbia en raison de leur coût trop élevé. En 1909, Farwell fonde une maison d'édition musicale, la Wawan Press, dans le but, selon son catalogue de 1910, de, je le cite, « publier les compositions les plus progressistes et significatives de compositeurs américains ». Sa ligne éditoriale accorde une place de choix, je le cite à nouveau, aux nombreux travaux, tant vocaux qu'instrumentaux, basés sur la folk music en Amérique, indien, noir, cow-boy et espagnol-américain. Farwell suit les préceptes de Dvorak, qu'il cite à plusieurs reprises dans ses publications, dont son essai d'histoire de la musique américaine, Music in America, publié en 1915 avec William Dermot Darby. En 1935, dans un courrier personnel à une critique musicale, Farwell revendiquera même être, je le cite, « le premier compositeur en Amérique à avoir relevé le défi de Dvorak de manière sérieuse et sans réserve et à m'être fixé de développer les sources musicales folk de ce pays ». De 1900 à 1917, Farwell œuvre avec acharnement à la promotion des compositeurs américains s'inspirant de folk music et utilise lui-même des mélodies amérindiennes pour bon nombre de ses compositions. A l'instar de Dvorak, il défend en 1907 dans une grande revue culturelle l'idée selon laquelle les compositeurs américains doivent à tout prix s'émanciper de l'hégémonie culturelle européenne et s'inspirer des musiques du peuple, qui posséderaient déjà un caractère national, afin que leur musique reflète, je le cite, « l'esprit héroïque de l'Amérique ». Voilà ce qu'il écrit. La culture musicale exclusivement européenne de l'Amérique a retardé le développement de la musique américaine parmi les Américains, excepté parmi le petit peuple qui ne s'est précisément pas soucié de cette culture. Musique nationale devient donc chez Farwell synonyme de musique démocratique, en opposition à la culture élitiste de l'Ancien Monde. Il participe d'ailleurs activement au Community Music Movement, mouvement visant à apporter la musique cultivée au peuple. Son projet, je le cite, « d'apporter la musique dans toutes ses formes directement aux masses populaires et de créer une musique pour le peuple », renvoie aux idéaux démocratiques de l'époque progressiste et à la tension entre ses rhétoriques populistes et sa croyance en l'expertise des savants. L'usage de la folk music est pour Farwell le moyen le plus sûr de nationaliser et de démocratiser la musique savante des États-Unis. La définition des folk music d'Amérique proposée par Farwell est très proche de celle de Dvorak, inclusive et vague. Il ne fait pas vraiment de distinction entre folk music et musique populaire. Il cite Stephen Foster comme exemple à suivre et présente la diversité raciale du pays comme un avantage plutôt qu'un obstacle à l'invention d'une musique nationale, car elle permettrait une plus grande liberté créative. Farwell se concentre cependant sur les musiques d'origine non européenne. Il utilise principalement des mélodies amérindiennes tirées de l'ouvrage sur les musiques Omaha des anthropologues Alice Cunningham Fletcher et Francis Laflèche. Contrairement à McDowell, Farwell favorise l'approche ethnographique. Il cite ses sources et il décrit le contexte original d'interprétation des mélodies qu'il emprunte. Dans la préface de ses pièces pour piano intitulée « American Indian Melodies », publiée dans la Wawan Press en 1901, Farwell explique « Il doit être compris que ces chants sont entièrement déterminés par des occurrences mythiques ou légendaires qu'ils qualifient ou interprètent, ou les cérémonies religieuses dont ils font partie. » L'attachement de Farwell à respecter les versions originales des mélodies, ou du moins les transcriptions originales reproduites dans l'ouvrage de Fletcher et La Flèche, se manifeste également dans ses méthodes de composition. Il utilise la mélodie initiale en entier, en conservant sa clé, sa métrique et les embellissements de la transcription originale. Il laisse cependant de côté les harmonisations rajoutées dans l'ouvrage et n'utilise seulement que la ligne mélodique. Farwell conserve par ailleurs les titres des chants en langue omaha. Cette volonté de respecter un certain nombre de caractéristiques des morceaux originaux apparaît également dans les travaux d'autres compositeurs indianistes contemporains de Farwell, dont Henri Gilbert, connu notamment pour son usage de mélodies nègres, et Charles Wakefield Kahneman. La réputation de Farwell de spécialiste des musiques amérindiennes doit cependant être nuancée. S'il écoute de nombreux cylindres, collabore avec un collecteur de musique amérindienne de Californie et rencontre dans son enfance des Amérindiens se produisant dans des medicine shows, Farwell n'a jamais fait d'ethnographie de terrain et ses connaissances du contexte extra-musical doivent tout aux travaux d'Alice Fletcher et de Francis Laflèche. S'il fait plus de cas du contexte de production des musiques amérindiennes que McDowell, et s'il cherche à respecter certaines spécificités musicales des musiques qu'il emprunte, les discours et l'œuvre de Farwell restent néanmoins marqués par une vision exotique et archaïque des Amérindiens. À l'instar de l'idée d'idéalisation de la folk music défendue par son collègue Charles Kahneman, Farwell conçoit le travail du compositeur selon un paradigme opposant la art music d'un côté et la folk music de l'autre. Si cette dernière doit servir de base à la première, elle ne peut représenter en elle-même une musique américaine digne de ce nom. Ainsi, l'intervention d'un compositeur professionnel dont, je cite Farwell, « l'art doit être un raffinement de ce qu'ils, les folk, possèdent dans un état brut » est nécessaire. Il rejoint en cela l'approche de McDowell. En définissant les musiques amérindiennes, mais aussi les musiques Negro, Cowboy and Spanish American comme de la folk music, Farwell les rejette dans le passé et dans un état de nature qui s'opposerait à la musique cultivée que lui et ses collègues euro-américains composent. Il ne fait par exemple jamais mention des œuvres du compositeur Oneida Denison Willock, qui a été formé à la musique occidentale à la Carlisle Indian School. En tant que chef d'orchestre, cornettiste soliste et compositeur, Willock, qui est donc amérindien, Oneida, a pourtant bénéficié d'une renommée internationale en obtenant la position de chef d'orchestre du United States Marine Band à la suite de John Philip Sousa dans les années 1890. Sa carrière illustre l'efficacité des politiques culturelles d'assimilation et conduit à s'interroger sur ce qu'est la musique amérindienne et sur ce qui qualifie un musicien de musicien amérindien. Pour Farwell, les compositions de Denison Willock n'entrent sans doute ni dans la catégorie de folk music, ni dans celle de musique cultivée, bien qu'il ait aussi composé une symphonie inspirée de musique tribale, l'Aboriginal Suite de 1897, qui a été jouée notamment lors de l'Exposition universelle de Paris et au Carnegie Hall de New York en 1900, ainsi qu'à l'occasion de l'Exposition panaméricaine de Buffalo en 1901. Tous deux proches de Robertson, donc Henry Cowell et Charles Seeger, parmi d'autres compositeurs américains de la génération suivante, vont rejeter avec force toute filiation avec les indianistes, bien qu'ils partagent cette même volonté d'américanisation de la musique, entre autres et à certaines périodes par l'usage de folk music. Il est probable que, outre le caractère jugé trop européen des méthodes de composition des indianistes, leur vision archaïque de la folk music et leur connaissance trop superficielle de ces musiques aient pu conduire les compositeurs de la génération suivante à juger leur démarche conservatrice et surtout à aborder dans un premier temps avec méfiance la folk music et son usage et son potentiel identitaire et politique. Entre les années 1890 et 1910, la majorité des compositeurs américains, suivant les recommandations de Dvorak, se tournent principalement vers des musiques amérindiennes ou, dans une moindre mesure, noires américaines. Et l'usage de chants populaires d'origine britannique va apparaître, quant à lui, plutôt marginal. On verra dans le prochain épisode qu'au début des années 20, un compositeur de Virginie va œuvrer pourtant avec acharnement à la reconnaissance de la folk music anglo-américaine comme unique source d'inspiration valable pour une musique nationale américaine. Ce compositeur s'appelle John Powell et on parlera de lui au prochain épisode. Alors, voici une diffusion des American Indian Melodies de Arthur Farwell, opus 11, interprété au piano par Dario Müller.